إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أحبتي في الله، أذكر نفسي في هذا اليوم المبارك في هذا البيت من بيوت الله عز وجل في هذا المكان المبارك، وأذكر أنفسكم بحديث عظيم عن سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. ذكر في شرح هذا الحديث، وهو طويل لأنه حديث عظيم، أن هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة، وكان عاملا لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه آخر بزيادات، وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عند الترمذي. وعبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقيم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. خرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لساني. قول سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. وفي رواية أخرى: قل ربي الله ثم استقيم. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهال ابن أبي حزم: حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. خرجه الترمذي ولفظه: فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب. لكن قيل أن سهيل تكلم فيه من قبل حفظه. وقال أبو بكر الصديق في تفسير ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: ولم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم، أن الله ربهم. وروى علي بن أبي طالب وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى ثم استقاموا: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا، فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، ولأنها إجابة للداعي الهوى وهو الشيطان، كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. ولهذا قيل معنى الاستقامة، ما معنى الاستقامة؟ قال الحافظ ابن رجب في كتابه المشهور قال الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها وفي قول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وهذا كلام نفيس، هذا كلام نفيس جدا من الحافظ ابن رجب، وراجع كتاب جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية. قال وفي قول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة، لابد من التقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أناسا لا يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سددوا وقاربوا. فالسداد ما معنى السداد؟ قال الحافظ السداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم بالهدى بالهدى هداية الطريق. والمقاربة أن يصيب، يعني معنى المقاربة في حديث سددوا وقاربوا، ذكرنا معنى السداد، ومعنى المقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصيب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث الحكم ابن الكلفي أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا بكله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، هذا هو الأصل. أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يطيقوا ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سددوا وقاربوا. أقول ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، chaque croyant, chaque croyante. Aujourd'hui, je voulais qu'on se fasse un rappel. Et pour ce rappel, j'ai choisi un hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous retenez ce hadith qui est court, et dans ce hadith il y a une recommandation prophétique, c'est-à-dire une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à un compagnon. Mais comme vous savez, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'un de ses compagnons est valable pour toute la nation et toute la communauté après. Et donc, si on retient ce récit et on met en œuvre et on le comprend, alors on a un trésor. On aura appris un trésor. Sauf que le hadith, il est tellement immense, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement immense et grande, que donner l'explication de ce récit en un temps réduit et restreint comme celui-ci est très difficile. Regardez, j'ai pris déjà en arabe le commentaire de ce hadith qui est court, déjà 7 pages. Saba safahat. 7 pages que j'ai réduit. Il y a plus, dans le commentaire il y a plus, pourtant c'est en arabe. Et en arabe c'est plus concis qu'en français, et j'ai réduit, j'ai pris des passages, j'essaie de résumer au maximum. Ce hadith est immense. Ce hadith, il nous est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après un homme qui s'appelait Sofiane ibn Abdillah. Il dit, « Qultu ya Rasulallah ». Regardez ce qu'il va demander au prophète, en somme. Cette faïda, elle perdure jusqu'à nos temps. On hérite de cet enseignement près de 15 siècles après. Il demande au messager d'Allah, « Qul li fil islami » Dis-moi, dans la religion, dans l'islam, une parole qui me profitera et dont je n'interrogerai personne après toi. Tu me donnes une parole au messager d'Allah, dont après toi je n'interrogerai personne. Il veut une recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qawlan, une parole au messager d'Allah, il lui demande. Wala as'alu anhu ahadan, ba'daka. Et je ne demanderai après toi à personne d'autre. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre une parole immense. Le prophète, imaginez-vous qu'est-ce qu'il va répondre à cet homme qui lui demande une parole. Il va lui dire « Qul amantu billah thumma istaqim ». Il va lui dire « Tu dis, j'ai cru en Allah, ensuite sois droit. Sois mustaqim. » Regardez, tout simplement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Dis, j'ai cru en Allah et ensuite sois droit. » Voilà. Si vous voulez une parole, un trésor, quelque chose dans votre vie, quelque chose mettre en application. Parfois on veut quelque chose de résumé, de court, de simple. Vous voulez quelque chose de simple dans votre religion. Mettez en pratique cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites, j'ai cru en Allah et ensuite soyez droit. Et saints et savants disent qu'il y a un autre hadith qui nous est rapporté aussi. وَرَوَا عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُجُوهٍ آخَرْ بِزِيَادَتْ. Un homme aussi avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté de Ibn Ma'iz an Sufyan ibn Abdillah. Qultu ya Rasulallah. Un homme était venu, dans une autre version, cet homme-là est venu au prophète, il lui a dit, informe-moi, enseigne-moi une chose dont je pourrais m'attacher à cette chose, fermement. Alors le prophète lui a dit, dis Allah est mon Seigneur, ensuite sois droit. Dis Allah est mon Seigneur et sois droit. Ensuite a dit, Qultu ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quelle est la chose dont tu crains le plus pour moi? C'est quoi cette chose dont tu crains le plus pour moi? Alors le prophète sallam a pris sa langue et lui a dit cela, la langue. Thumma qala hada. C'est rapporté par Tirmidhi qui dit Hassanun Sahih. Les savants ensuite dans l'explication de ce récit, ils n'ont pas pu omettre le fait qu'en vérité, lorsqu'on observe la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tirée du Coran. C'est exactement lié à un verset du Coran lorsqu'Allah azzawajal dans le Coran dit إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Ceux, Allah nous dit en traduction approximative du verset, ceux qui dans leur vie auront dit Allah est mon Seigneur. ثُمَّ اسْتَقَامُوا بِشَرْطَ الْإِسْتِقَامَةِ. Ensuite ils auront l'istiqama. On va voir qu'est-ce que l'istiqama. Ensuite ils seront droits, les anges descendront sur eux et leur diront n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes et accueillez cette bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Certains savants dans l'explication de ce verset disent c'est lorsque la personne ait subi les affres et l'agonie de la mort. Des anges descendent à lui et lui diront aussi nous sommes tes alliés. Et n'aie pas peur, ne sois pas triste. À un moment où la personne il a peur, il est pris d'angoisse, d'anxiété, il ne sait pas qu'est-ce que va être son devenir. Il va mourir, il va quitter ses bien-aimés, quitter ses proches, quitter sa famille, quitter ses biens, quitter tout ce qui lui était cher dans cette vie d'ici-bas. Et elle aussi quittera tout ce qui lui était cher dans cette vie d'ici-bas. Et on le sait très bien qu'on va sombrer dans les abîmes de l'oubli. On sera oublié. Les gens ensuite, avec les années, ils continueront leur vie et la personne, parfois, un petit souvenir, mais il sera oublié. Et lui, il vit constamment ensuite dans cette demeure intermédiaire, dans la tombe. La personne ne connaît pas son devenir. Allah Azza wa Jal, pour ceux qui ont dit « Allah est mon Seigneur » et qui sont tenus droit, ils ont fait l'istiqama, Allah envoie des anges. Des anges descendent à lui et lui dit « Allah takhafu, n'ayez pas peur. » Pas seulement « n'ayez pas peur »,« wa la tahzanu » parce que là, c'est un moment où on est triste. On aurait pu faire plus. « La tahzanu » ne soyez pas triste. Et accueillez cette bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. C'est quelque chose d'immense. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire en Allah et dire je crois en Allah. Et il faut avoir l'istiqama. C'est ça l'important. L'istiqama c'est quoi? L'istiqama c'est vraiment d'être sur un monothéisme pur. De croire en l'unicité d'Allah. D'attester de l'unicité d'Allah. Qu'Allah est seul subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah est celui qui va dissiper les angoisses et les malheurs que tu vis. Qu'Allah est celui qui accorde le paradis. Qu'Allah est celui qui répond aux demandes. Qu'Allah est celui qui mérite tous nos actes d'adoration, nos implorations, nos demandes, nos prosternations, nos inclinaisons, nos prières, notre jeûne n'appartiennent qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'istiqama. C'est ça l'istiqama, comme nous enseignent les savants. Et donc, beaucoup disent que « Inna al-murad al-istiqama al-tawhid, inna ma arad al-tawhid al-kamil » Pourquoi? Parce que celui qui sera droit de cette manière, alors l'enfer sera interdit pour lui. Celui qui unifie Allah Azza wa Jal, une traduction relative, certains dans la langue française disent le terme unifié fi anadhar, al-muhim, celui qui atteste de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et œuvre dans l'unicité d'Allah, conformément à l'unicité d'Allah, et voit un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala et dit la ilaha illallah. Le prophète sallam nous dit inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. L'enfer lui est interdit pour lui. Le feu de l'enfer ne le touche pas. Sauf que il nous est dit dans des récits que l'istiqama complet ça peut être dur pour l'individu. Et très peu de gens vont le mettre en œuvre entièrement. Pour cela dans un récit, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit saddidu wa qaribu. Essayez de vraiment appliquer l'istiqama comme vous le pouvez, saddidou, de la manière la plus juste possible, au qaribou, ou rapprochez-vous à l'application et la pratique de l'istiqama. Et donc, ce qui prouve cela, c'est que dans un verset, Allah nous dit, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Soyez droit, faites l'istiqama, nous dit Allah Azzawajal dans le Coran, et ensuite il nous dit, et demandez-lui pardon. C'est de là que certains savants, ils ont dit, on a une allusion que parfois on va avoir des déficiences, des manquements dans notre istiqama, dans notre droiture. Pourquoi? Parce que l'istiqama, c'est de cheminer sur le chemin droit. Et on va voir des manquements. Pour ça, dans le verset, Allah Azza wa Jal fait suivre par al-istighfar. Wastaqimu, Allah dit, ilay, et soyez droit, wastaghfiru, et demandez-lui pardon pour justement ses déficiences. Et rappelez-vous le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça nous rappelle justement cette règle qu'on apprend dans le Coran, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'ad, ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, wa atbi'i as-sayyi'at al-hasana tamhuha. Et fais suivre les mauvaises actions par une bonne action. Ce qui prouve qu'on va faire parfois des mauvaises actions. Et lorsqu'on fait des mauvaises actions, le prophète ensemble nous recommande de faire des bonnes actions, elles les effaceront. Ces mauvaises actions qu'on a faites dans le passé, elles vont les effacer. Pour terminer, j'ai entendu des histoires adjibes de certains savants. Je vous fais profiter, on termine sur ça. Celui qui est droit, qui est sincère avec son créateur, il va être préservé de maux, de cette vie d'ici-bas, de tentations, de troubles. Vous savez, la plus grande fitna, le plus grand malheur et la plus grande épreuve, c'est lorsque la personne elle est éprouvée dans sa religion. Il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie. Les épreuves dans l'argent, dans les biens, dans les pertes de proches, c'est des grandes épreuves, c'est difficile. La maladie, les soucis, les angoisses, problèmes dans la vie professionnelle, problèmes financiers, ça, chacun connaît des problèmes, c'est des épreuves de la vie. Sauf que les savants nous disent, la plus grande moussiba, le plus grand malheur, c'est lorsque la personne est éprouvée dans sa religion. Si tu es mustaqim, sincère envers Allah, et tu as la droiture, et tu es sincère, tu veux l'atteindre. Ce n'est pas une hypocrisie de ta part, mais tu es sincère, tu veux atteindre la droiture, Allah va te préserver. Un grand savant de Médine, je voulais vous faire profiter de petites histoires, avant de se quitter. Un grand savant de Médine, qui est enseignant dans la mosquée du prophète, raconte une histoire qu'un homme lui a racontée. Il lui dit, et c'est lui qui vit cette histoire, cet homme. Il lui dit, moi, j'avais un voisin, j'ai vécu de longues années avec ce voisin. Et ce voisin-là, subhanallah, était riche. Sauf que, c'était pas connu qu'il avait reçu un héritage, ni il était commerçant, ni il avait une fonction qui pouvait prétendre à cela et justifier cette richesse. Mais il était riche. Et il donnait, et il dit, à chaque fois que j'avais besoin, j'allais voir ce voisin, et il me prêtait, et il m'aidait, à chaque fois. Et cela pendant de longues années. Il dit, un jour je me suis posé la question, il raconte cela au grand savant de Médine, qui est toujours enseignant aujourd'hui, il lui dit, un jour je me suis posé la question, et je suis parti voir mon voisin. Je lui dis, tu as vu, on est voisins depuis de longues années, et on a toujours eu, mashallah, de bonnes relations, et tu as toujours été dans la bonne réponse favorable de mes demandes. Il dit, donne-moi ton secret. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent et être riche comme toi? Alors que tu commerces pas, tu n'as pas reçu d'héritage, tu n'as pas un travail qui justifie cela, comment fais-tu? Alors l'homme lui dit, tu es sûr? Il dit oui. Tu veux? Il lui dit oui, tu es sûr? Il lui dit oui. Alors il dit, tu feras tout ce que je te dis. Tu feras tout ce que je te dis. Tu es capable de faire ce que je te dis? Il lui dit oui, je ferai tout ce que tu veux pour avoir cette richesse-là. Donc regardez, là il est prouvé, il veut ce que tout homme, ce que nous on recherche tous hein, ici-bas, il veut là l'argent. Il lui dit, alors je vais t'indiquer quelque chose, il faut que tu le fasses. Il dit, je ferai tout. Il dit, tu vas te rendre à tel endroit où il y a un fleuve. Il y a un fleuve. Tu vas aller au moment qu'il y a le coucher du soleil. Et sais-tu que le coucher du soleil va se coucher entre les deux cornes de Shaitan. Entre les deux cornes de Shaitan. Tu vas te mettre et tu t'assoir devant le fleuve. À ce moment-là, je vais te donner des noms à invoquer, à demander. Tu vas invoquer par ces noms. Et tu vas, à ce moment-là, bien précis, lorsque le soleil se couche entre les deux camps de Shaitan, tu restes bien là et tu demandes et tu implores avec ces noms-là que je t'ai dit. Et tu feras tout ce qui t'est demandé ensuite. Tout ce qui t'est demandé, tu le feras. Il dit, je le ferai. Alors, tout d'un coup, il est parti à cet endroit et il a commencé à invoquer, à demander par les noms qu'on lui a dit. Et tout d'un coup, il y a quelque chose du fleuve qui est sorti. Et qui lui a fait comprendre qu'il lui donnera ce qu'il veut, comme son voisin. Sauf qu'il faut qu'il fasse ce qu'il dit. Alors il dit, je vais t'ordonner déjà une chose que tu feras. Alors il dit, dites-moi, je fais tout. Il était prêt à tout. Dites-moi. Et il dit, il m'a dit, premièrement, tu délaisseras tes prières. Tu délaisseras tes prières. Regardez l'istiqama. Et là, l'homme, il a dit au shir, c'est lui qui raconte au shir, il dit, il m'a demandé la chose que là, c'est la chose qu'il ne faut pas me demander. Il a commencé par la chose qui est impossible pour moi. Je fais la prière depuis tout jeune. C'est la chose que jamais je pourrais délaisser. Je peux pas. Il m'a demandé sur la chose, je ne peux pas. Regardez l'istiqama et la sincérité de cet homme, ça l'a protégé du couvre de la mécréance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était des sorciers qui œuvraient et pratiquaient la sorcellerie avec les démons. Et donc, c'est pour travailler avec ces démons et ces satans, il faut faire les plus grandes formes de mécréance. Et c'est pour ça qu'avant de lui demander de faire des formes de mécréance, il lui demande de délaisser la prière. La base de toute forme de mécréance. Délaisse la prière. Et regardez l'istiqama de cet homme, l'a préservé et l'a protégé du fait qu'il a dit « je peux pas ». Il s'en est allé. Il a refusé. Alhamdoulilah, il a été protégé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était sincère dans sa droiture et c'est quelqu'un qui, depuis jeune, il faisait la prière. C'était impensable pour lui de délaisser sa prière et de rater sa prière. Pour terminer, une autre histoire qui nous est rapportée de pieux prédécesseurs. Un jour, un homme, c'était un homme pieux qui était connu à l'époque, à son époque, qui était au Maghreb. Il avait un disciple. Il a toujours enseigné, éduqué son disciple sur Az-Zuhd. Ce savant-là, ce pieux-là, était connu pour son Zuhd. Jusqu'à, il avait tellement une confiance en Allah que tous les matins, il allait chercher sa subsistance comment ? Il allait au bord de la mer avec son filet et chaque jour à la même heure, il avait 3 poissons. Allah Azza wa Jal faisait qu'il allait pêcher 3 poissons chaque jour. Et qu'est-ce qu'il faisait de ces 3 poissons ? Un poisson, il le prenait pour lui et sa famille, pour se nourrir de ce poisson. L'autre poisson, il le donnait en aumône. Et le troisième poisson, il le prenait pour toujours réparer son filet. Toujours réparer son filet, c'était pour son investissement. Et tous les jours, il avait ces 3 poissons. Et jamais il ne manquait de donner en aumône une partie. Pour ça que les savants disent, même si on a peu d'argent, on donne une partie infime de cet argent, Allah Azza wa Jal mettra une baraka immense. Al-Muhim. Un jour, il dit à son élève, qu'il a éduqué dans Zoh, dans l'ascétisme et dans cela, qu'il devait faire le pèlerinage. Il lui dit, lorsque tu passes vers le pèlerinage, et à l'époque, il le faisait à pied, il lui dit, tu vas passer par le Caire. Et oui, ils étaient au Maghreb. Il lui dit, tu vas passer par le Caire. Et par le Caire, il y a un ami à moi. Un homme dévot. Rajulun Salih. Lorsque tu passes par le Caire, tu lui passeras salam. Tu ne passes pas avant de lui dire salam de ma part. Alors son élève, son disciple, s'exécuta. Il fit le voyage pour le pèlerinage. Vous avez tout le trajet à l'époque, hein, les difficultés, il n'y avait pas ces moyens modernes. Et lorsqu'il passa par le Caire, il demanda après l'homme, mais il n'a pas trouvé l'homme. Donc il s'en alla faire le pèlerinage. Au retour du pèlerinage, vous allez voir, il y a une grande faïda dans cette histoire. Il repasse par le Caire, et là il demande après l'homme. Et là on l'oriente vers chez l'homme, et il trouve l'homme. Sauf que, il voit l'homme sortir d'un palais. Et lorsqu'il vient à lui avec une monture de luxe, vous avez les bêtes à l'époque, monture de luxe, avec plein de servants, un riche homme. Alors il voit l'homme, et là tout de suite, lui il n'a pas été éduqué comme ça, il a été éduqué dans l'ascétisme, dans le délaissement de cette vie d'ici-bas. Alors tout de suite cet homme est tombé de son estime, mais il s'est dit, si c'est mon cheikh qui m'a recommandé cet homme, Ajib, mais il est tombé de son estime quand il a vu cette luxure, il a vu cette richesse. Alors l'homme lui a dit, le disciple dit à l'homme, voilà, je viens de la part de mon cheikh et il te passe le salam, et il m'a demandé de te transmettre un message de salut et de paix. Alors l'homme lui fit hospitalité, lui dit rentre, il a fait rentrer dans son palais. Et lui, le disciple, il voit la richesse, le luxe. Alors, avant de partir, l'homme dit au disciple, quand tu verras ton cheikh, c'est son ami, il lui dira, il amet atan sharil bid dunya. Tu lui dis cela. Tu salim alay, tu lui passes le salam et tu dis à ton cheikh, jusqu'à quand tu vas te préoccuper à la dunya. Après, le disciple s'est dit, non, il doit être fou cet homme. C'est lui qui vit dans le luxe, dans les palais. Mon cheikh, c'est un zahid. Et il dit à mon cheikh, jusqu'à quand il amet atan sharil bid dunya. Muhim, il s'est dit, bon, cet homme-là est pas très normal. Il retourna, et lorsqu'il vit son cheikh, il n'a pas dit cela. Il était déçu, donc il n'a pas dit cela. Mais un jour, son cheikh, il lui a dit, alors, est-ce que tu as vu mon ami, hada rajul salih? Est-ce que tu lui as passé salam? Et là, le disciple lui dit, naam, ya cheikh, je l'ai vu. Mais lui dit, j'ai pas supporté. Il était dans le luxe. Il vit dans des palais. Et ensuite, il m'a dit de te passer salam et de te dire jusqu'à quand tu vas te préoccuper, t'occuper de cette vie d'ici-bas. Et là, le cheikh, lorsqu'il a entendu cette parole, il a pleuré. Il a dit la vérité. Il a dit, nous, on n'a pas la dunya dans les mains, mais on l'a dans le cœur, on la cherche. Lui, il l'a dans les mains, mais il l'a pas dans le cœur. Il y a des gens qui sont riches, ils s'en fichent. C'est pas important pour eux. Vous voyez des grands ulama, ça leur est venu, c'est Allah qui leur donne. Il vit dans ça, au bina armeti rabbika fahadith. Mais c'est pas lui qui est parti chercher ça. Allah lui donne. Il l'utilise. Ne pensez pas, vous voyez des grands ulama, des grands rajulun salih, Allah lui a donné, il utilise les bienfaits d'Allah azzawajal. Mais c'est pas des gens qui l'ont dans le cœur, ils vont pas chercher ça eux. Regardez le cheikh, il a dit la vérité, il a pleuré. Il a dit, nous on est pauvres, on n'a pas. Mais on a ça dans le cœur. On l'a pas dans les mains, mais on l'a dans le cœur, on veut. Et là, on voit beaucoup de gens autour de nous, ils cherchent. L'argent, ils n'ont pas. Mais ils cherchent. Et on voit des riches qu'ils ont, mais c'est pas dans leur cœur. Mayyubaloun. Wallahu a'lam, yamqalib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Yamqalib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Yamqalib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nasaluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma rahham mawtana. Allahumma aghfir lahum rahamhum wa afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihim min al khataya kama yunqa thawb al abyad min al dalas. Allahumma ashfi mardana. اللهم اهدنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.